dites si vous activez Ecore les limites gratuites, j'ai le foulard de ne plus partager avec vous les corrections que je fais avec vous. Moi je sais que si les IA à qui j'utilise sont forts, je me ferai beaucoup d'argent, mais il me faut des outils minimum et un connexion. La facture d'électricité, malgré que je gire comme je gérais avant d'entreprendre les projets du dictionnaire Wolof, je me formais sur la réalisation de films grâce aux IA et j'ai déjà des LoRa pour certaines personnages et des vidéos pour certaines de mes Deep Live, car j'ai utilisé le concept de Deep Live pour vendre les livres que j'ai déjà écrits avec les IA. Claude en est le meilleur, ça je le sais, et pour de bonnes images de qualité Gemini Amusimorum. Donc cette note est loin d'une demande ou y est loin, mais un appel à une demande de partenariat que DeepSeek ferait tous pour nouer.